Salut les mélomanes, c'est Joe Kangourou pour un nouveau concert à la radio. Alors concert à la radio, la recette est simplissime. Un studio, une artiste, des instruments, des micros, pas besoin de plus, c'est Vogue Galère. Et pour ce nouveau concert à la radio, c'est la chanteuse, auteure et compositrice Mai Mitchell qui s'installe dans le studio de Campus FM pour un mini-set d'une trentaine de minutes. On va la retrouver dans un petit moment, mais avant d'écouter Mai Mitchell qui ce soir chantera des chansons de son répertoire à la guitare, mais elle sera également accompagnée par une invitée de marque. On va demander tout de suite à Aïda Sanchez, qui est venue accompagner Mai Mitchell ce soir, de nous présenter Mai Mitchell, Aïda Sanchez, ancienne chanteuse du groupe Orlando. Alors Aïda, deux, trois mots sur Mai Mitchell. Alors, que vous suivez beaucoup, autant dans ses concerts que dans ses passages radio, vous êtes vraiment, vous l'accompagnez, vous l'entourez même. Absolument. Mais en plus, c'est pas Mai Mitchell, mais j'adore. Hein. C'est Mi Mitchell. Ah ouais. Mais Mai Mitchell, c'est formidable. Je trouve que ça fait un peu plus classe. Bah, en fait, comment dire, moi, j'ai rencontré Mi Mitchell au Bijou. Elle venait présenter quelques chansons pour la saison, c'est ça, hein. Je la connaissais pas du tout. Enfin, j'avais vu sa photo dans les chiottes des Folles Saisons. J'avais dit... une grande affiche, et j'ai dit, elle a une bonne tête cette fille, mais c'était il y a 2 ans, 3 ans, point. Hein. Ouais. Et j'ai pas fait le lien au Bijou. Et donc elle a chanté, j'étais très surprise de sa façon d'utiliser les mots, les phrases, le rythme. Et puis surtout qu'elle était avec sa gratte, assise sur une chaise avec son carnet, puis je la voyais, elle choisissait sa chanson. Je me suis dit, mais c'est quoi, c'est qui cette fille? Et j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que j'étais, ça m'a mis quelque part où aucune chanteuse ne m'avait fait ça. Mmh. Et dans les propos, enfin j'entendais des propos politiques, sociales et humanistes. Et j'entendais pas une chanteuse qui disait « je t'aime pas toi ». Enfin, déjà, ça m'a fait « ah bah tiens, il y a quelque chose ». Et puis sa présence sur scène, alors qu'elle était assise avec sa guitare, c'était monstrueux. Et je me suis dit vraiment, elle a une présence incroyable, sans bouger. C'est Brassens, mais Force 3000. Et donc, là, à la fin du concert, je suis allée voir Brassens Force 3000. On a bu une bière ensemble, je lui ai dit tout le bien que je pensais d'elle. Et puis après, elle m'a contactée, et puis on s'est dit, travaillons ensemble. Mmh. Et moi, j'étais fort intéressée de lui faire se lever déjà, de chanter debout, et puis sans son petit carnet, et de faire un peu un ordre, et créer une dramatisation, enfin quelque chose... et de sensuel, et de politique, et d'humaniste, et puis surtout elle est drôle à souhait. Donc je voulais aussi sortir ça, et on a travaillé un moment ensemble, ça l'a fait, hein, ça l'a fait, et puis là on va faire un album ensemble. Ça veut dire que là vous réalisez, vous concevez avec elle le répertoire, vous allez l'accompagner en studio? On va faire mieux. Peut-être. Enfin mieux que le studio, c'est-à-dire pas mieux. En fait, l'idée, c'est de faire le disque en direct, de faire un live. Et on fera ça au Bijou. Ouais, évidemment. Alors, je vais pas tout raconter parce que je vais laisser quand même Mai Mitchell raconter. La vôtre, oui. Et puis voilà. Et puis là, aujourd'hui, on s'est dit, on s'est vu deux, trois fois. On a joué un peu ensemble. Puis moi, je voulais vraiment quitter la scène définitivement. Mais Mai Mitchell m'a remis dessus. Mais ça va, c'est derrière le piano. C'est plutôt agréable, et puis je suis fan, donc comme ça je serai au plus près. Eh bien très bien, on va voir comment évolue sur scène la fille dont vous êtes fan, Mi Mitchell qui va s'installer dans ce petit studio campusien devant son micro, debout. Vous allez l'accompagner au piano. Assise, puisque oui, il y en a d'autres qui jouent du piano debout, et ça veut dire beaucoup, mais pas pour vous. C'est vous qui l'accompagnez au piano ce soir, Mi Mitchell, pour un mini-set d'une trentaine de minutes. On l'écoute et on se retrouve juste après. Mais la vie, elle est comme avant, c'est toujours le même truc. On comprend rien et on comprend que la vie s'en est. Mais la vie, elle est comme avant, c'est toujours le même truc. On comprend rien et on comprend que la vie s'en est. Que du vécu. Salut, je suis une chanteuse à texte. Okay. On peut parler comme ça, c'est pas grave. Oui, coupe lui. Ah oui, trop bien. On reprend alors. Bah, de toute façon, il ne reste plus rien à dire. Bah non, jamais. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. La discussion doit s'arrêter là. Je ne me tuerai pas à te prouver à toi que nous sommes bien égaux à toi. Juché sur notre piédestal, on se croit capable de juger. On a inventé le mot normal avec tous ses petits dérivés. Normalement, la norme sociale et l'hétéronormativité. La mise au point doit être globale, il n'y a pas de minorité. Qui pense que blanc est plus que noir, qui pense que il est plus que elle et que il est ils font elle et qu'un enfant ça ne s'invente pas. Qui pense que leurs familles sont belles, qu'il vaut mieux mourir moche que belle et que toutes sont criminelles, celles qui choisissent qu'elles ne veulent pas. Celles qui choisissent qu'elles ne veulent pas. Juché sur notre piédestal, on se croit capable de juger. On a inventé le mot normal avec tous ses petits dérivés. Normalement, la norme sociale et l'hétéronormativité. La mise au point doit être globale. Il n'y a pas de minorité qui pense que blanc est plus que noir, qui pense que il est plus que elle et que il est ils font elle et qu'un enfant ça ne s'invente pas. Qui pense que leurs familles sont belles, qu'il vaut mieux mourir moche que belle et que toutes sont criminelles, celles qui choisissent ce qu'elles ne veulent pas. Merci, bonsoir, concert à la radio. Voilà, j'ai invité Joe à sa propre émission à siffler avec moi, parce que c'est un excellent siffleur. Et là maintenant j'ai une nouvelle invitée, voilà, pour la première fois, parce que comme c'est quand même un événement, c'est l'anniversaire d'une émission vieille, comme son inventeur. Et comme son invité, eh bien, j'ai invité Aïda Sanchez à faire du piano. Voilà, ce que vous entendez est vraiment, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé parce qu'il faut changer, parce que cette époque demande du changement et de s'amuser. Oui, c'est l'époque. C'est l'époque. L'époque n'est pas à la subtilité. L'époque n'est pas à la subtilité. L'époque n'est pas à la subtilité. Mais l'époque n'est pas... Là, c'est... une chanson de moins de 30 secondes. Ouais. On fait ça parce que de toute façon, une chanson au-dessus de 2 minutes 30, elle passe pas à la radio, n'est-ce pas? Et en dessous de 30 secondes, paraît-il que c'est pas une chanson, donc on va... Voilà, on fait des tests. Bon, on s'en fait une plus longue quand même. Ouais. Maintenant que t'es invité, quand même, on... Ouais. On fait quelque chose. Une chanson sur le manque de temps. Même si je sais ici, cher auditeur, auditrice, que ça ne concerne personne, bien sûr. Un jour, quand le monde s'arrêtera, j'irai boire un café chez toi. Ah ah. Mais là, pour l'instant, j'ai pas le temps, mais je le prendrai. Et un jour, quand le monde s'arrêtera, j'irai boire un café chez toi. Ah ah. Et j'embarquerai toute la rue avec moi si ça te va. Juste parce qu'il y a trop de bises à donner. On on verra que les passions sont toutes intéressantes à regarder. On se dira qu'on a la flemme de faire les courses, mais on s'invitera à déjeuner. Toute façon, sans métro, tout le reste est trop loin, alors autant rester dans le quartier. Et un jour, quand le monde s'arrêtera, j'irai boire un café chez toi. Ah, ah. Mais là, pour l'instant, j'ai pas le temps, mais je le prendrai. Et un jour, quand le monde s'arrêtera, j'irai boire un café chez toi. Ah, ah. Mais là, c'est la misère, j'ai oublié mon chargeur chez moi. On se mettra à parler de je ne sais quoi, et les arrêts de bus deviendront des bancs, où tout plein de vieux vieilles airs à la patience légendaire nous diront que on le tend. On se parlera de tout ce qui a changé entre aujourd'hui et hier, pour se rendre compte qu'au hasard des passions, c'est si beau de se mélanger entre jeunes et vieux cons. Et un jour, quand le monde s'arrêtera, j'irai boire un café chez toi, papa. Mais là, pour l'instant, j'ai pas le temps, mais je me prendrai. Et un jour, quand le monde s'arrêtera, j'irai boire un café chez toi. Mais là, pour l'instant, j'ai pas le temps. Oh. Mais je le prends. Oh. Oh. Oh. Oh. Mais je le prends. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Mais décidément, qu'est-ce qu'on se marre, hein. On se marre. Ah là là. Bah, c'est l'époque. C'est l'époque. Hein? C'est l'époque. It's a time to laugh. On parle anglais maintenant? Yeah. Attends, il faut que je fasse Google Traduction juste pour la chanson de... Ok. 1, 2, 3. L'époque is not à la subtilité. L'époque is not à la subtilité. L'époque is not à la subtilité. Mais l'époque is not... Toujours pas. Toujours pas la fin, toujours pas. Hein. On n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Okay. Une chanson qui s'appelle Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on se passera un jour du ciel. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce qu'il dit soit essentiel. Et une chose est sûre, c'est qu'ils font pour l'instant audience. Et là, ma belle, ce qui te fait mal au ventre, c'est ton intelligence. Et je ne suis pas sûr que ce soit si évident, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la fin est proche à présent. Je ne suis pas sûr même que ce soit si intéressant. Eux, là, partout, tout le temps. Je ne suis pas sûr qu'on y courra tous acharnés. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que de leur monde on puisse faire plus désincarner. Et une chose est sûre, c'est qu'on se fatigue de tout ça. Et là, ma belle, ce qui te fait de l'eczéma, c'est qu'on ne te fout pas la paix avec ça. Et je ne suis pas sûre. Pas sûr qu'on écrira plus de lettres de désertion au président. Je ne suis pas sûr que jamais ne vous détrôneront nos enfants. Et je ne suis pas sûr même qu'ils ne vous arracheront pas les dents. On ne maîtrise plus rien. Tout part à volo dans l'éducation. Et je ne suis pas sûr que tous les collégiens ne vont pas se venger. Je ne suis pas sûr de ce qu'invente la patience d'un prisonnier. Je ne suis pas sûr même qu'aucune massue n'ira se loger dans vos 3-4 crânes qui de l'espèce humaine se revendiquent d'être le reflet. Mais si la peur vous vient, arrêtez-vous dès maintenant, car vous n'avez aucune idée de ce qui se trame sous vos pieds, sous vos pieds, sous vos pieds. Sous vos pieds, sous vos pieds, sous vos pieds. Merci. Et vous êtes toujours à Concert à la radio. Pour une chanson qui était plus longue que ce qu'on passe habituellement à la radio. Alors, pour équilibrer, Aïda, est-ce que tu peux revenir ? 1, 2, 3, 4. L'époque, n'est-ce pas ? À la subtilidad. L'époque, n'est-ce pas ? À la subtilidad. L'époque, n'est-ce pas ? À la subtilidad. Mais l'époque, n'est-ce pas ? L'époque, n'est-ce pas ? A la subtilidad, l'époque, n'est-ce pas? A la subtilidad, l'époque, n'est-ce pas? A la subtilidad, mais l'époque, n'est-ce pas? Termina! Olé! Bon, on a eu la fin de notre chanson. Bon, est-ce qu'on fait un truc que moi j'ai jamais fait personnellement, c'est que je vais lâcher ma guitare. Ah, attention, c'est possible. Pour une chanson qui a un sigle en titre. H-A-D. Qu'il aimait ça, il prenait du doliprane. Et qu'est-ce qu'il aimait ça? Et qu'est-ce qu'il aimait ça? Et quand il n'a plus pu avaler, et que les soignants n'ont pas soigné, c'est peut-être pas si anodin. Si mon père exposait partout un nom de cancer à chaque bout, et nous, on l'a bien regardé. Et nous, on l'a bien regardé. H-A-D, soutenu comme c'est pas clair. Pourquoi la mort n'a qu'un seul nom quand il faut traverser la mer pour aller voir la fin des pères et des mères, et que les préfet dirige la terre. H.A.D. soutenu comme c'est pas clair. Et c'est peut-être pas si anodin si le monde expose de partout que toutes les soignantes sont à bout, que les gouvernements sont jaloux, jaloux que leur papa à eux meurt dans la dentelle et pas dans les bras de chez eux. Dans la dentelle et pas dans les bras de chez eux. H.A.D. meurt dans la dentelle et pas dans les bras de chez eux. Un nom de cancer bien à nous, protocole mensonger, des noms de code un peu partout, fourre-tout, des brancardiers, des infirmières, aux normes un peu différentes, des N plus 1. passé des heures depuis qu'on leur a demandé d'en faire 12 de suite. Et que ce n'est pas ce qui a soigné mon papa. Et que ce n'est pas ce qui a soigné mon papa. Il voulait voyager d'ici, un grand lien spatio-temporel. Vivre en haut d'une montagne. Inviter Pierre, Fitte et Sarcelle à déjeuner. Voulez mélanger les 4000 avec l'odeur des petites villes. Voulez mélanger les 4000 avec l'odeur des petites villes. Voulez mélanger les 4000 avec l'odeur des petites villes. Voulez mélanger les 4000 avec l'odeur des petites villes. À cause d'eux, t'as vécu si fort. Mais t'es mort. N'importe comment. Papa ? C'était un mi à la fin. Oui, c'était un mi. Ah, ouais, Mi-Mi-Mitchell oui, c'était voulu pour un concert de Mi-Mitchell en terminant mi. Et ouais. Bon, bah très bien. Bon, ça fait encore un petit peu. Un petit peu. Tu peux rester là au piano, Aïda Sanchez. Ouais, voilà. Ouais. Aïda Sanchez, je l'ai invitée au piano pour rigoler. Ouais. Voilà. Mais là, on lâche pas rire. Mais bon, là, on n'a pas rigolé. Si, si. Okay. C'est vrai qu'on n'a pas rigolé. Non, mais voilà, pour faire entendre les choses. C'est bien. On fait une chanson qui s'appelle... on l'appelle pas pareil avec Aïda. Moi, je l'appelle moi aussi. Toi, tu l'appelles... La femme qui est dans mon lit. Ouais, la femme qui est dans ton lit. Ouais. Ouais, ça. Allez. La femme qui est dans ton lit se passer, moi et elle. Car oui, c'est la fin de ton empire sexuel. Merci. Je vais tousser, je vais tousser. C'est-à-dire oui. Alors. Je vais faire une chanson. Parce que c'est mon métier. Non, je vais faire une chanson. Parce que jusque-là, c'était des tentatives. Garde, garde ces fenêtres, je mets des sept à mes couleurs. Respire le pire, ne peut être le meilleur. Il fallait pas être ingénieur. Je serai dans ton cœur pour toujours, le jour où tu seras là. Regarde net les imposteurs, le brut c'est notre valeur. Discute du but, c'est important, ne laisse pas tomber les accents. Je serai dans ton cœur toujours, le jour où tu seras là. Je serai dans ton cœur pour toujours, le jour où tu seras là. Regarde bien ce jardin, ça prend quelques années au moins. Écoute, goûte le langage du temps quand la mémoire est au présent. Je serai dans ton cœur pour toujours, le jour où tu seras là. Je serai dans ton cœur pour toujours, le jour où tu seras là. Il n'est jamais trop tard pour se dire que c'est l'heure. Il n'est jamais trop tard, se dit que c'est l'heure. Merci beaucoup, concert à la radio. Ciao! Un grand merci à la technique. La technique. À Thomas. Thomas à la technique, tout à fait. Qui a fait des prouesses. Merci à Aïda Sanchez d'être venue partager une improvisation pianistique guitare. Merci de chanter. Bah avec plaisir. Voilà, pour annoncer que peut-être il y aura d'autres musiciennes qui m'accompagneront dans la vie, on ne sait jamais. Donc c'était un... comment on dit, un appel en fait, c'est ça, un appel improvisé. Et merci Joe Kangourou pour ses invitations et bon anniversaire à ton émission. Merci. Qu'est-ce que je fais? Un dernier morceau, très bien. Alors, on va faire un morceau qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, parce que j'aime improviser. C'est bien. Comme on a fait du morceau du troisième album, du deuxième album, il manque un morceau du premier. Et comme personne sait que j'ai fait trois albums. un morceau qui s'appelle Nostalgie, parce que ça va bien avec l'époque. Maintenant qu'on en est là, dans un présent qui se sent un peu dépassé, que comme disait mon grand-père, même le futur n'est plus ce qu'il était, qu'il n'y a plus de jeunesse et que la vieillesse doit travailler. On nous parle d'un temps que les moins de 20 ans, et maintenant que j'en ai plus, c'est pas pour ça qu'on me chante un passé rayonnant. Mais de ma jeunesse aussi, on disait qu'elle n'était plus ce qu'elle était. Et même si en général, les jeunesses valent pas ce qu'elles étaient, quand t'es plus tout à fait mince encore avant, je dois avouer que moi, je ne sais pas ce qu'est un poinçonneur et presque plus un cordonnier. Je ne sais pas ce que veut dire un grand parti communiste français, Che Guevara qui vit de l'autre côté de l'océan, les Black Panthers qui vivent 24 heures sur 24 militantes, tous les hommes d'une ville qui travaillent dans la même usine, ou encore véritablement le paysage du Nord avec ses mines et spécialités qui étaient encore ce que l'on mangeait le monde, sans la brigade anti-criminalité, la télé à une chaîne, ou alors même pas de télé, que de la soupe en hiver et le rock'n'roll interdit, pas de centrale nucléaire et Bob Marley encore en vie. Et encore j'ai connu le métro avec chauffeur, le monde sans internet et du coup le Minitel, le Monopoly avec les rues de Paris, les vaches à Villiers le Bel, la police de proximité, les hirondelles et un vrai printemps, et peut-être les derniers à part les Corses et Occitans. Et un vrai printemps, et peut-être les dernières à part les Corses et Occitans. Je me souviens à peine de la grève à la Samaritaine et Baba banlieue et sa capitale quand ça s'appelait la Seine. Je ne sais pas ce qu'est la France sans le chômage qui coûtait moins cher le fromage. Pour pointer à l'usine, il y a toujours eu des badges. Je ne connais pas la honte, ne pas savoir cuisiner ni mon ciel, pas tout recouvert d'avions. Les villes et leurs célèbres pavés, les aiguilles à tricoter comme pièces à conviction. Et encore j'ai connu le joli mot d'optimiste, des arrêts de bus avec des noms de communistes, avoir envie de dans le journal qu'un prisonnier tant qu'il avale. Allez, je lui rends hommage, trop célèbre sécurité sociale. D'ailleurs ça me fait dire sans foi ni loi ni Dieu ni maître que l'avenir on peut encore se le permettre. Et que moi aussi c'est logique, un monde en plastique, je préfère un monde en terre cuite. Mais ça s'appelle pas la lutte, ça s'appelle la nostalgie, s'appelle le je me rappelle d'un temps que j'ai pas connu et qui est forcément fini. Or toute cette chanson très très bien pour dire on se connaît ce qu'on connaît. Et à vrai dire, laissez la jeunesse respirer, car après tout, simplement, on n'est pas né la même année. Merci. Mais Michel, voilà, c'est fait. Ça n'a pas été tout simple, le set physiquement est difficile. Et on va rebondir un peu sur des choses que disait en début d'émission Aïda Sanchez, sur la façon dont vous êtes sur scène, sur votre posture, sur la façon aussi dont vous construisez ce répertoire. Mais d'abord, comment en êtes-vous arrivé à Toulouse? Vous êtes quelqu'un de la région parisienne, on en parlera aussi de la région parisienne, parce que vous continuez à y faire des choses, notamment des balades culturo-historiques autour de la chanson dans la banlieue du côté de Saint-Denis, mais on en parlera dans quelques minutes. Toulouse, comment c'est arrivé? pour quelqu'un qui vient de la région parisienne? C'est des mystères et un petit hasard. Pour quelqu'un qui vient de la région parisienne, je ne connaissais pas Toulouse jusqu'à être adulte. Mais oui, je comprends très bien. À peine entendu parler pour malheureusement AZF. Et les hasards d'être parti, d'avoir voulu partir et d'être arrivé à l'université du Mireille, donc à Toulouse. Voilà. Et je suis resté, surtout ça. Ce qui était moins un hasard, c'est que ça m'a fait rester. Ouais. Voilà, ce qui n'était pas prévu au programme quand vous êtes arrivé. Non, pas forcément. Parce que je suis arrivé jeune adulte et non, j'ai bien aimé changer d'air. Si on reprend un peu les choses par le début, donc il y a votre arrivée à Toulouse, la fac, il y a l'écriture de chansons, d'un répertoire que vous avez commencé à jouer dans quelques troquets toulousains. Aïda Sanchez parlait aussi du bijou qui a été un peu important pour vous et qui vous a fait jouer de temps en temps. Je pense que vous avez fait aussi Ozon au bijou. Hein. Vous avez fait ces tremplins que le bijou organise régulièrement tout au long de l'année. La chanson, vous faites une chanson, j'allais dire, classique dans sa construction, guitare-voix, très classique dans sa conception, sans doute nettement moins, surtout par rapport à ce qu'on écoute en ce moment dans les paroles et le discours que vous mettez dans vos chansons. La chanson, c'est une tradition familiale, c'est quelque chose que vous avez découvert sur le tard, c'est quelque chose qui vous accompagne depuis que vous êtes né. Il faudrait définir la chanson, mais dans ma famille, on chante à tue-tête beaucoup. Ouais, mais je ne sais pas si ça fait une formation de vie, mais ma mère chante tout le temps n'importe quoi dans les paroles à l'envers, et toute ma famille est un peu comme ça. Et j'ai grandi avec des comptines, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, sur les chanteurs-chanteuses de la chanson française, oui, quand même, un peu, je dois avouer qu'il y avait, de Gilbert Bécaud à Léo Ferré en passant par... Et après, il y avait quelques personnages de chansons qu'après j'ai découvert comme Alain Leprest qui ont été plus importants pour moi, mais avec lesquels j'ai pas grandi forcément. Ces gens que j'ai pas vus sur scène. Enfin, j'ai pas beaucoup vu de la chanson sur scène. Et voilà. Et après, j'avoue, Jean Ferrat, quand même pas mal, qui est pour le coup le personnage, je pense, de chanteur avec lequel j'ai grandi. Mais après, il y avait la musique par ailleurs, quoi, de ma vie d'enfant et de jeune. Et d'adolescent. Me semble bien. Oui, non. Si vous écoutiez la radio ou les CD que les copains pouvaient vous passer. Non, anglo-saxon? Non, moi j'ai beaucoup écouté du rap français, vraiment beaucoup. En tout cas, c'est ce que je partageais le plus avec les gens. Et j'ai toujours aimé comprendre ce que j'écoute. J'avoue que j'ai un petit problème. Je parlais pas anglais. Maintenant, je parle anglais comme ça vaguement, mais je comprends pas des chansons comme ça immédiatement. Et quand j'aime des chansons qui sont dans une autre langue, d'ailleurs, j'en rigole aussi maintenant sur scène. Mais il faut que j'ai un lien avec la langue ou que la musique me fasse comprendre un peu, que je me dise il y a quelque chose à comprendre. Franchement, sinon je vais avoir du mal à m'accrocher juste pour... Et d'ailleurs, c'est pour ça que le live, ça peut être compliqué pour moi, parce que parfois, je trouve quand la sonorisation fait qu'il n'y a vraiment que de la musique et que les textes, on ne comprend rien. C'est vrai que j'ai un petit côté... Je suis un peu hermétique, quoi. Quand vous dites Jean Ferrat, je me disais, c'est son côté aussi communiste qui fait que c'est une référence pour vous. Pour l'héritage, moi en tout cas, les gens avec qui j'ai grandi en partie dans l'héritage ouvrier et des banlieues parisiennes, de la banlieue rouge, et oui, clairement Jean Ferrat, tout le monde avait un disque de Jean Ferrat dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Du parti, comme on appelait ça. Vous rappelle que Jean Ferrat était un compagnon. Ah oui. Il n'était pas encarté. Oui, mais c'est ça. Non, mais pas du tout. Justement, dans un truc pas dogmatique, mais la présence des poètes et des chanteurs, chanteuses dans la vie banlieusarde était quand même assez importante. Mais il n'y avait pas que eux. Hein. Il y avait des gens de plein de pays dans le monde, mais qui étaient reconnus comme étant des poètes engagés. Jean Ferrat, on faisait partie quand même. Et quand vous dites engagé, c'est aussi ce qui est sous-tendu par vos chansons. Vous êtes engagé, je ne sais pas si vous êtes une artiste engagée, mais vous êtes engagé. Au point, par exemple, d'avoir conçu avec une musicienne parisienne, je pense, un trajet pédestre, culturel, musical, historique, qui raconte la vie de d'ouvrière pendant la Commune de Paris, qui vous permet aussi de faire une histoire de la chanson sociale du 19e siècle jusqu'à maintenant. Ça va jusque-là, la façon dont vous concevez la chanson et l'engagement. Bah oui, ouais, je me prive pas de m'amuser à ça. Mais oui, en fait, c'est pas du tout une musicienne, c'est moi la musicienne du projet, c'est une guide. Ouais, elle est guide, donc elle a rien à voir avec l'art, on va dire. Si ce n'est que c'est quand même de la culture, c'est le même. Et voilà, effectivement, on s'est associés donc dans ces métiers de guide et musicienne, et ça a donné l'idée de faire ce qu'elle faisait, elle, les visites guidées avec des chansons, parce que ça plaît. Comment ça se passe? On viendra jamais vous voir à Paris, c'est loin, c'est de l'autre côté de la Garonne, donc on n'y va pas tous les jours. Mais comment ça se passe avec le public qui vient vous voir? Il y a un intérêt pour cette chanson là? Ah oui, mais il y a plus qu'un intérêt, il y a une découverte complète au moment où ça a lieu, mais pour nous aussi, parce qu'en fait, ce qui est un peu drôle, c'est qu'il y a... Bah, ça dépend des balades qu'on a faites, mais c'est des chansons qu'on connaît pas nous-mêmes. Hein. Enfin, moi, j'écoute pas de la chanson du 19e siècle chaque matin, donc c'est juste que ça permet de se retrouver historiquement avec la chanson, dans les accords, essayer d'y réfléchir, et après, ça, c'est le travail d'Anouk Colombani avec qui je travaille, c'est qu'elle est... de toute façon, elle faisait des visites d'histoire sociale. Elle travaille sur la mémoire populaire, on va dire, et ce qu'on appelle les couches de mémoire. En fait, on a travaillé sur ça. Et la chanson, c'est quand même quelque chose qui questionne la mémoire de manière... voilà, on pourrait en parler des heures, quoi. Entre la dernière chose... Enfin, voilà, quand on demande à des gens qu'on fait un AVC, la dernière chose qu'ils se rappellent, c'est une chanson, en général. Ou la première chose dont ils se rappellent. Mais nous-mêmes, en fait, je pense qu'on vient... On sort des choses dans la question de la chanson... voilà, qui est assez passionnante et qui mêle un peu les cœurs, quoi. Et après, dans la rue, les gens s'arrêtent, c'est marrant quand même. Moi, j'aime bien être chanteuse de rue, chanter des trucs du 19e et les gens ne savent pas du tout. Ils se disent que c'est une chanson qui a été inventée hier, qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. Quand on parle de chansons sociales, vous avez enregistré aussi des chansons sociales autour de la commune, là aussi. Vous parliez tout à l'heure de vos trois albums. Il y en a deux qui sont sous votre nom et en solo. Le troisième, c'est un peu une œuvre collective autour de chansons de la commune. Oui, mais c'est complètement une œuvre collective. Et alors, c'est des chansons de la commune? Non, parce que c'est complètement inventé. Donc vraiment, on fait des trucs absolument pas bizarres. Parce que ça n'a pas marché, enfin ça ne marche pas, mais et en plus la commune a une malédiction culturelle parce que c'est un grand événement, c'est un événement mondial majeur qui est pas appris et qui du coup n'a jamais fait enfin en film on s'amuserait à regarder la commune très sincèrement si Netflix s'y mettait. Alors il y a eu Peter Watkins dans lequel joue Aida Sanchez quand même, elle improvise déjà, c'est aussi non voilà, et bah, c'est un truc que tu peux raconter, mais c'est des choses qui soi-disant marchent pas alors que c'est passionnant. C'est vraiment un truc de voilà, et nous on a fait des chansons et le conte s'appelle Il faut venger Gervaise. Donc voilà, on fait suite à Peter Watkins, on fait des expériences, donc nous on vient venger c'est bien. Gervaise en chanson, et donc c'est une œuvre collective. Moi je l'ai composée, Anouk l'a écrite, et puis c'était le début des réflexions d'arrangement, et on a fait des arrangements modernes, quoi. C'était pas des... Qu'est-ce qui est si important pour vous dans la commune? Oh bah, je dirais tout. Moi, ça a changé ma vie de travailler sur la commune, parce que je faisais partie des enfants de France et de Navarre qui... Bon, j'ai grandi dans une ville où il y a la rue Louise Michel à côté de la rue Eugène Varlin, à côté de la cité, blabla. Mais à part ça, justement, à part cette mémoire qu'on en a faite, je connaissais pas grand-chose. Donc la commune, c'est vraiment le moment de l'invention sociale ultime, du plaisir de créer de la légalité. Et voilà, et qui a été massacré par le pouvoir, qui est quand même celui qui est encore aujourd'hui, si on veut. Après, il y a eu une succession de républiques, il y a des détails historiques quand même un peu importants. Mais on va dire que la couleur politique est restée la même. Oui, et puis ce qui est fou, c'est que moi, je me rappelle que notre président, que je ne vais pas nommer parce que je n'aime pas son nom, mais notre président, un des premiers trucs qu'il a fait, c'est rendre hommage à Thiers, qui a massacré les communards, donc le peuple de Paris. Et je crois que ce que j'aime aussi, c'est que le peuple de Paris, c'est l'histoire, mais c'est la vie. Le peuple de Paris, c'était le monde, tout le monde, les ruraux, les étrangers, et que quand même on a commencé par avoir des gens qui les détestent. Enfin, il y a un truc où on déteste le peuple, et je crois que la culture et l'art, pour moi je le vis des fois comme une forme de vengeance. C'est quand même nous la culture, souvent c'est quand même le populaire, c'est quand même voilà, c'est quand même nous, on est là pour chanter ça quand même, on est là pour chanter les gens qui ont existé, se sont battus. dans tous les sens du terme. Ce que vous dites, ça me fait penser à Annie Arnaud, le jour de sa remise du prix Nobel, qui vengeait sa race. C'est un peu ça. Oui, moi, en tout cas, je revendique le terme de vengeance. Mais voilà, je le chante d'ailleurs dans une de mes chansons. Hein. J'ai une chanson qui s'appelle « Je ne suis pas sûre », que je décris jamais, mais... Elle n'est pas violente, mais en fait, elle revendique le fait que moi, je viendrai sur scène. Si je viens sur scène, je viendrai dire des choses. Et si je viens dire des choses, je viendrai dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et qu'aujourd'hui, ils ne font pas attention à ce qu'ils font. Ils ne font pas attention à comment on nous traite. Et notre histoire, c'est à nous de la porter. Parce que ce qui est sûr, c'est que les grands, ils ne vont pas la porter pour nous. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'engagement. C'est pas de la chanson engagée comme on l'a concevée et on en parlait dans les années 70. N'empêche que ce que vous dites, c'est un constat mi-narquois, mi-acide, avec une grande lucidité de l'époque. Et vous ne faites que ça, que d'écrire l'époque en disant un peu votre point de vue, et la description que vous faites de l'époque, elle est désespérante. Oui, ça, vous l'aviez déjà dit, mais... Non, moi, je ne suis pas désespérée, mais... Non, mais c'est pas vous, mais la situation, telle que vous la décrivez, elle est désespérante. C'est votre vision, vraiment, de la situation actuelle. Le désespoir, ouais. Non, pas du tout, pas le désespoir, mais par contre, il y a deux choses à l'intérieur. C'est, par contre, au niveau de l'art, moi, des fois, je suis désespérée. Ouais, franchement, je suis désespérée de ce qu'on entend, de ce qu'on fait entendre. Je trouve qu'on perd du temps, là. Ouais, vraiment, je trouve qu'on surproduit des choses. Il y a des super productions et des sous-productions, et ce qui est super produit... Ça, parfois, je peux me dire non, mais là, allez, les artistes, il faut qu'on décrive, quoi, faut qu'on fasse quelque chose. Ça peut. Mais après, dans la vie, non, je suis pas désespérée. Et ce que je décris, c'est plutôt un mouvement de prise de conscience. Ouais, de prise de conscience et puis d'essayer de décrire la complexité. C'est là où moi, ce que je fais notamment, c'est ça, c'est de la chanson. Je fais de la chanson complexe. Bah voilà. Et ben, on a longtemps dit que la chanson devait être simple. Ben, je sais pas pourquoi. et c'est vrai que en cela, elle est engagée, mais elle est pas engagée comme avait ce mot, le sens de ce mot quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, la chanson engagée, c'était Le Forestier, c'était des gens comme ça. C'est vrai que quand on vous voit sur scène, il y a une décontraction. Et là, on parle de votre, peut-être, positionnement sur scène. Il y a une décontraction lorsque vous êtes sur scène. Il y a une tranquillité, il y a une joie que vous renvoyez, mais en disant des choses complètement horribles. Vraiment horribles. Et quand on les écoute, on dit « Waouh !» Et c'est vrai qu'il y a ça lorsqu'on vous voit sur scène. Il y a ce côté très avenant, très souriant, très tranquille. Et puis, ce que vous envoyez, c'est quand même pas la face la plus claire du monde dans lequel on vit. Oui, mais bon, la face la plus claire... Si je prends, par exemple, tout ce qu'on m'a toujours dit, que je suis féministe, oui. Sans doute. Et les chansons, ce que je fais, ce que je décris, je veux bien qu'il y ait une face claire, mais la face sombre, c'est nous. Non, moi, je suis sûre que je suis du côté de... Obscur. De ce qu'on vit et de ce qui est là. Et j'aime pas taire ce qui est là. En tout cas, je vais pas écrire pour taire. Ça n'a pas d'intérêt. Donc... Récemment, Adèle Hanel a écrit une lettre à Télérama pour expliquer pourquoi elle quittait le cinéma. C'est une démarche, par exemple, dans laquelle vous pouvez vous reconnaître ? Non, mais moi, je ne suis pas du tout... Adèle Hanel, elle est dans ce qu'on appelle le star system, quand même. Donc, moi, je n'ai pas d'avis sur... Je ne sais pas comment on vit ça. Elle parle pas que du star system, d'une industrie. Là, là, vous êtes quand même impliqué dans quelque chose qu'on appelle l'industrie de la musique. Oui, Moi, je crois pas que je suis trop rupturiste parce que je crois que... Moi, je suis une travailleuse de la culture. En tout cas, je revendique des choses comme ça. Que d'ailleurs, je suis syndiquée dans ce monde-là. Je défends le fait qu'on travaille. J'ai défendu mon salaire. Je défends le salaire des autres, leurs conditions de travail. Je suis heureuse d'arriver au moment du MeToo culturel parce que ça n'est que le début. Mais quand même, les rapports de force sont assez terribles. Et je suis pas très... comme ça, moi, je suis pas rupture et je pense qu'il y a des choses à faire et qu'il faut les faire et que j'irai pas dire que ce monde est pourri. Mais je suis pas sûre que c'est ce que fasse tout à fait Adèle Hanel, mais j'ai pas vécu ces années à elle où elle est sur le devant de la scène, c'est assez terrible. Moi, je suis dans le monde des discrets. Je pense que la réussite et le monde de l'argent, c'est quand même à ça que ça... Enfin, c'est à ça qu'on s'adresse, c'est l'enfer, ouais. C'est l'enfer. Vraiment l'enfer. Vous développez un peu cet enfer-là ? Aïda Sanchez pour en parler, je pense. Aïda. Il me semble que c'est un enfer, parce que je pense qu'on perd beaucoup de liberté. Je pense qu'il y a une image à tenir, il y a une façon de parler, une façon de se présenter. Et puis, je pense qu'au début, on est plein d'entrain, parce que ça nourrit l'ego. Mmh. Mais il y a un moment, on demande à l'ego ta gueule et fais ce qu'on te demande, quoi. Mmh. C'est-à-dire que ce passage... Après, moi, j'ai pas vécu ça du tout. Mais j'ai rencontré Adèle Hanel, moi, dans la vie. Et elle se ressemble. Elle est vraiment comme elle écrit. Hein. C'est étonnant de la voir J'ai toujours été surprise de la voir dans des rôles de fille. Parce que vraiment, dans la vie, c'est un cow-boy. Hein. Mmh. C'est extraordinaire. Et puis, elle a pas la langue dans sa poche. Mmh. Et je crois que c'est bien que ce soit elle qui ait mis un coup de pied là-dedans, parce que justement elle est jeune, elle est aussi comédienne de théâtre, donc elle est en train de changer d'endroit, de terrain de jeu. Mais je crois, un conseil, les débutants humains, chanteurs, chanteuses, ne rentrez pas dans le star system. Restez chanter pour les gens tout simples là, qui sont devant nous, je crois. Vous disiez tout à l'heure que vous vous définissiez comme féministe, comme engagé, comme politiquement conscient de ce qui se passait dans le monde dans lequel on vit. La notion d'inégalité entre hommes et femmes, elle arrive comment dans votre parcours ? Vous la rencontrez comment ? Vous la découvrez comment ? Vous en rendez compte comment ? Dans ma vie ? Oui, dans la mienne. Ouais. Je peux vous le dire aussi, mais bon, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. On en parlera juste après l'émission. voilà, j'en sais rien. Moi, très, très, très, très tôt, mais... en fait, moi, c'est les gens qui m'ont beaucoup traité de féministe, parce que c'était ça, hein, quand même. On disait ça, hein, traité de féministe. On doit le dire encore, d'ailleurs. Ouais. Bah oui. Mais moi, on m'a très vite dit que j'étais féministe. J'ai dû réfléchir 2-3 secondes en me disant, bah, écoute, voilà, peut-être. Écoute, pourquoi pas. Et voilà, et après... c'est une évidence que... Et après, bon, j'ai pas tout à fait le choix parce que il se trouve que je suis dans le monde de ce qu'on appelle les LGBT, qu'en plus, de plus en plus... Alors, on disait pas ça à mon époque, on avait pas de nom, mais de plus en plus, on dirait que c'est nous qui sommes responsables de tout un tas de choses. Donc, voilà, ça devient une évidence aussi, parce qu'en fait, moi, mes chansons, elles étaient pas spécialement féministes, mais elles étaient ce que moi, je vivais. Et donc, de fait, c'est féministe. Donc, ça... Voilà, ça m'a suivi. Et après, j'ai écrit des choses précises. J'ai écrit des chansons qui étaient très féministes au début, qui étaient des formes d'exutoire, et j'ai continué. Et c'est vrai que cet exutoire, cette façon que vous avez de les chanter sur scène, j'y reviens, il y a quand même une jubilation à le chanter, et une façon très joyeuse de le chanter face au public. Donc je vous ai vu cet hiver lors de Détours de chant, vous faisiez la première partie de Bertrand Belin. J'étais assis au milieu du public, et ce que j'entendais autour de moi, c'était quand même ça. Punaise, mais t'as vu comment elle chante, t'as vu ce sourire, t'as vu... Et c'est vrai qu'il y a cette façon jubilatoire de chanter vos chansons et de vous adresser au public. C'est ça aussi, c'est quelque chose que vous travaillez, ou c'est du naturel? Les deux. Le naturel et travail, le travail et nature, j'en sais rien, mais oui, les deux. Non, je travaille pas mon sourire, hein, ça, j'ai autre chose à foutre, mais je... Non, mais c'est vrai, mais je travaille à être sincère, parce que finalement, justement, même en dehors de la question du star system, moi, j'aime pas les termes de monter sur scène. Je pense que ça, c'est fini. Je pense qu'il faut arrêter. La scène, c'est pas au-dessus des gens. Ça doit pas l'être. Et j'aime pas tout ce qui est dans la... Je n'aime pas la supériorité. Donc et en plus, paradoxalement, je n'aime pas être sur le devant de la scène. Donc j'essaye d'être sincère. Vous avez mal choisi votre métier. Bah, oui, ou alors le métier, c'est mal fait, quoi. C'est mal travaillé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'amuse d'aller chez les chansonniers, les chansonnières d'époque, qui étaient capables de se foutre en plein milieu d'un marché quand il n'existait même pas des micros. Et qu'il y a un héritage à ça. Il y a une suite de ça. Et ça peut être des gens qui sont sur scène en train de chanter... Mais je veux dire, des gens qui s'adressent directement et qui ont plaisir à le faire, ben je pense que c'est quand même ça qui est important. Ouais. C'est beau, en fait, c'est beau. Et moi, j'ai plaisir à être sur scène et voilà, et vraiment à partager de l'émotion avec des inconnus. Mmh. Ça me fait plaisir. Hein, Et juste avant que je vous coupe, vous disiez que vous essayez de travailler cette sincérité. Oui, enfin dans le sens où j'essaie de garder, pour le coup, une simplicité malgré la complexité, malgré... Puis quand on écrit, plus on écrit, plus quand ça fait des années qu'on écrit, on se demande pourquoi on écrit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va écrire de nouveau, est-ce que ça doit s'arrêter ? Moi, honnêtement, si à un moment donné, je me dis, bah, comme Aïda, c'est fini, j'ai envie d'avoir pris cette décision, mais là, j'ai pas envie d'arrêter, il n'y a pas trop de raisons. Mais donc, je travaille... Je travaille à pourquoi je réfléchis, quoi. Pourquoi je suis là, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que ça me fait être assez lente, mais je travaille. Justement, parlons de lenteur. Il y a un répertoire, un album qui se prépare ou pas? Oui, oui. un troisième solo. Mais... D'en parler à Aïda tout à l'heure. Ouais. Un album qui va se construire comment et où? Bah, il est déjà en partie construit, je le chante déjà un peu sur scène là, à l'heure du mois de mai 2023. Mais donc c'est un album qui va s'appeler Un Monde et qui va donc en fait c'est ma rencontre aussi avec Aïda qui a fait qu'on a cherché un peu une formule qui pouvait être une sortie d'album qui allait me plaire et aller avec ce que je construis, parce qu'un album aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on a ce qu'on appelle le monde de l'autoproduction, de la production, voilà. Bon, moi, je sais pas, maison de disques, etc. J'en ai pas trouvé qui m'adore. Enfin, voilà. Donc vous êtes plutôt dans l'autoproduction. Voilà, donc je suis dans le monde de l'autoproduction. On est un énorme filet, donc il y a plein de réflexions parce que c'est facile d'enregistrer aujourd'hui, c'est facile de sortir des albums, mais c'est pas facile qu'on les entende. Ça coûte assez cher, etc. Bon, bref, on a cherché. Puis on a cherché en fonction de où en était mon écriture parce que je suis pas lente en écriture, mais je ne pourrais pas écrire mon processus d'écriture. Voilà, Aïda n'a toujours pas compris non plus. Elle me dit, je te fais confiance. Oui, confiance. Et en même temps, c'est notre écoute qui a... Pour la première fois, Aïda, c'est quelqu'un qui me... Ce qu'on appelle le regard extérieur, mais j'ai l'impression que ça fait plutôt regard intérieur, enfin. Un truc un peu, voilà, où je peux échanger et elle comprend beaucoup de choses très vite. Donc, ça va donner un album qui va être enregistré en live fin octobre au Bijou, parce que le Bijou accepte l'expérience. Et on va... Moi, je suis plutôt du... Voilà, je vais faire une expérience. Je suis plutôt du côté de l'aventure. Donc, on va essayer d'ajouter des musiciennes à cette expérience-là parce que je ne suis jamais avec des gens sur plateau. Je ne suis pas sûre que je vais le faire tout le temps du tout. Mais c'est autre chose, la musique à plusieurs et la musique seule. Donc là, on va faire un album live qui est une aventure, quoi. Oui. Après, enregistrer des albums en public, c'est génial, mais c'est pas une nouveauté. Je veux dire, non. Ne serait-ce qu'au Bijou, si on s'amuse à compter le nombre d'albums qui ont enregistrés au Bijou en direct depuis ces 30 dernières années, il y a quand même pléthore. Mais c'est vrai que pour vous, l'aventure, ça va être aussi de jouer avec d'autres musiciens. Oui, c'est beaucoup ça, c'est de tout mélanger et de proposer, parce que je vais inviter des gens, il y aura des gens qui m'auront vu un certain nombre de fois, qui vont venir à cet album live, et ils vont aussi voir quelque chose de nouveau, à la fois dans les chansons, même s'ils en connaissent en partie maintenant déjà, et oui, ils vont voir, c'est un album d'un truc qui n'existe pas. Encore. Dernière question sur le processus d'écriture, justement. C'est quoi? Vous prenez des notes? Vous commencez à écrire, vous y revenez 6 mois plus tard, ça arrive d'un coup, c'est tout ça mélangé? Ouais, franchement, ça dépend. Oui, je suis un grand bordel ambiant et j'écris sur tout, un bout de chaussure, un carnet, sur ordi. Et voilà, et je fais confiance à ça. Moi, d'ailleurs, si. Je trouve que c'est bien de dire à tout le monde qu'on n'apprend pas à écrire à l'école, on apprend à écrire en écrivant, en se faisant confiance sur le fait que ça a du sens et que, bon, moi, ça donne des chansons. Maintenant, je sais travailler mon écriture et des trucs que... Donc voilà, ouais, je gribouille, mais il y a des trucs que je construis plus en fait, hein, quand même. Des fois, je prends vraiment une feuille et je me dis, je veux faire ça. Le début de l'histoire, c'est quoi? C'est des choses que vous entendez à la télé, à la radio, des choses que vous lisez dans les journaux, des choses que vous voyez dans la rue, ou ça n'a rien à voir du tout? Non, je pense que ça n'a rien à voir. Moi, je crois que je suis... Je réfléchis à ça, mais je suis un peu en rupture. Je crois que mes chansons ne racontent pas une histoire. Donc, je ne peux pas dire que... Il y en a peut-être quelques-unes comme ça, mais je suis un peu en rupture, justement, avec le canal historique de la chanson, qui est qu'on raconte une histoire, on la commence, on la finit, on fait une intro, tempo, conclusion. Et moi, j'ai beaucoup de... Elles sont un peu multidimensionnelles, quand même, mes chansons, donc il y a des mélanges de trucs. En tout cas, c'est le contemporain. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un côté où... j'écoute ce que j'ai pu entendre ou lire, et qu'après ça, c'est là que je me dis, je construis une chanson à partir de ça. Et c'est vrai que si vous ne racontez pas des histoires, vous développez un discours, et l'ensemble du répertoire que vous montez depuis ces 6-7 dernières années, ça construit un discours. Oui, bah, c'est compliqué le mot discours, c'est... oui, une forme de ça, ouais. Après, les albums, vu que c'est des années, ça correspond aussi évidemment à moi, où j'en suis, ma vie, etc. Et moi, des fois, je me dis que j'ai tout dit dans le premier album. Bon, voilà, mais il n'a pas marché. Donc j'en fais d'autres. Donc il y en a un deuxième 2 ans plus tard, ouais, voilà. où vous relancez la machine. Voilà, c'est ça. Non, et sur scène, j'abandonne pas vraiment mes chansons. D'ailleurs, en ce moment, je reprends beaucoup des chansons du premier album, alors que je les avais un peu abandonnées. Et puis c'est marrant parce que comme il y en a quand même plus de 10 ans, bah oui, il y a plein de mots, il y a des tests assez faciles. J'ai une chanson avec le mot Russie, forcément ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la poésie périme très peu quand même. Et, ouais. Et donc ça, c'est marrant. Et moi, je fais beaucoup d'allers-retours comme ça entre les chansons et tout le monde, quoi. Comme on disait, Victor Hugo, il disait, rien n'est plus fort qu'une idée qui arrive au moment où on est prêt à l'entendre. donc je joue aussi moi-même avec cette histoire-là, et que parfois quand je chante, on pense que personne sait quand on a écrit les chansons, mais même moi des fois je sais même pas, je me rappelle des choses qui me le rappellent, je sais pas. Et, en tout cas, moi, mes chansons sont comme ça, mais... Bon, bah écoutez, Mi-Michel, on va attendre fin octobre pour venir vous voir au Bijou, voir à quoi ressemble vos dernières livraisons chansonnesques. On vous verra donc avec musiciens, musiciennes sur la scène du Bijou. Je vais juste rappeler que vous serez sur la scène de la CAFPO le 8 juillet pour l'anniversaire de Caramel Mou. Donc on vous écoutera aussi en guitare-voix à ce moment-là. Et puis je vais vous remercier toutes les deux d'être venues dans cette émission, partager ce moment avec nous. Donc concert à la radio, ça nous a permis aussi de vous entendre en avant-première avec ce piano-voix. Donc il va continuer à avoir une histoire, et ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Je rappellerai simplement que c'est Thomas Delafosse qui a fait le son de ce concert, qui réalise et qui met en onde cette émission. Et puis, à très bientôt. Oui, à très vite.